C'était en France, c'était partout dans le monde d'ailleurs, le 10 octobre dernier, la journée mondiale de la santé mentale. En France, une personne sur trois au cours de sa vie connaît un trouble psychique qui requiert un suivi médical. La plupart du temps, ces troubles apparaissent à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Et aujourd'hui, le premier poste de l'assurance maladie en termes de dépenses, c'est la psychiatrie avec 23 milliards d'euros par an. Et malgré tout cela, le secteur est dans une impasse, traversé par une crise profonde, un état d'urgence que même la ministre de la Santé a fini par reconnaître. Alors pourquoi la psychiatrie est-elle devenue le parent pauvre du système de santé français ? Psychiatrie en France, ça tourne pas rond. C'est le problème que nous allons tenter de circonscrire dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce profond malaise de la psychiatrie en France, faire un état des lieux, mais aussi esquisser des solutions pour réformer le système, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Le Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires APHP Henri Mondor à Créteil et directrice de la fondation Fondamentale. Et bonjour Isabelle Durand-Zaleski. Bonjour. Vous êtes directrice de l'unité de recherche éco Île-de-France à l'APHP Hôtel Dieu. Vous êtes toutes deux autrices du livre Psychiatrie, l'état d'urgence que vous avez co-dirigé, Marion Le Boyer, avec Pierre-Michel Lorca. C'est édité chez Fayard. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé, en podcast via votre application préférée, et puis en ce moment même sur le fil Twitter de l'émission où nous allons poster, comme chaque jour, un certain nombre de liens, de compléments d'informations à ce qui va être dit au cours de cette heure. C'est en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors si l'on prend un peu de champ, comme nous avons usage de faire en début de chaque émission, et c'est souvent utile en matière d'histoire de la médecine, il faut bien comprendre que la psychiatrie, depuis sa séparation d'avec la neurologie à la fin du 19e siècle, a traversé plusieurs révolutions, de même que la prise en charge, le regard et l'intégration des patients qui souffrent de maladies psychiatriques ont également subi un grand nombre de bouleversements. Pour vous en rendre compte, je vous propose d'écouter cette archive qui est issue de la radiodiffusion française. Nous sommes en 1946, une nouvelle ère s'ouvre pour la psychiatrie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne s'agit plus de mettre les fous dans les asiles. Les asiles, d'abord, il n'y a plus d'asile d'aliénés, il faut bien comprendre ça, ça s'appelle hôpitaux psychiatriques. Cela veut dire que l'on soigne les malades dans les hôpitaux psychiatriques comme on les soigne dans les hôpitaux ordinaires. Et on soigne les malades mentaux, on les soigne, on les guérit. Depuis 30 ans, la psychiatrie a subi une véritable révolution thérapeutique. Des malades qu'on considérait autrefois comme des démons définitifs, comme les paralytiques généraux, sont guéris. Des mélancoliques qui mettaient 6 mois, 8 mois à guérir, sont guéris maintenant en 6 semaines, etc., etc. Nous avons maintenant un arsenal thérapeutique en psychiatrie qui permet de guérir les malades. N'est-ce pas ? Et ils peuvent être guéris dans les hôpitaux psychiatriques, mais ils sont guéris aussi dans des hôpitaux ordinaires, dans les services libres des hôpitaux psychiatriques, services libres des hôpitaux ordinaires. Voilà, vous venez d'entendre Georges Heuer, qui est médecin chargé de l'enseignement de la psychanalyse à la clinique des maladies mentales en 1946 sur la radiodiffusion française. Une réaction à cet archive, c'est intéressant la façon dont Georges Heuer répète cette notion importante qui est qu'en 1946, on guérit des maladies psychiatriques. Marion Le Boyer. Alors effectivement, c'est intéressant parce que c'est un message qui est au cœur du livre qu'on édite là, c'est que l'espoir est possible, ce qui n'est pas tellement un message qui est répandu dans le grand public. On a l'impression que c'est des maladies qui font extrêmement peur, qu'on ne comprend pas et pour lesquelles les stratégies thérapeutiques ne sont pas disponibles. Donc ce message qu'on vient d'entendre de Georges Heuer, il date de 46 et aujourd'hui, le rétablissement, il est absolument possible pour toute une série de raisons qui ne sont pas toujours mises en œuvre en France, malheureusement. Et le rétablissement, il est possible à condition que le diagnostic soit fait précocement. Or, aujourd'hui, le retard de diagnostic, il est encore là et il s'écoule en moyenne 10 ans, par exemple, pour un trouble bipolaire, entre le début de la maladie et le traitement. Et il est possible si on fait le bon choix du médicament. Il est possible si on fait le bon choix de la stratégie psychothérapeutique qui va être efficace. Et s'il y a une prise en charge des maladies somatiques associées. Or, tout cela, c'est pas toujours fait correctement. C'est ce que vous détaillez, on va en parler tout au long de cette heure dans ce livre, hein, Psychiatrie, l'état d'urgence. J'aimerais votre réaction tout de même également à cette archive, Isabelle Durand-Zaleski. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de dire que ce sont des malades comme les autres, on les traite comme les autres. Parce que dans le rapport qui a été fait pour l'Organisation de coopération et de développement économique, on voit qu'entre un tiers et la moitié des patients qui ont un trouble psychiatrique ne sont pas traités. Et ça, je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart des maladies dites somatiques qui sont aujourd'hui prises en charge. Vous utilisez ce chiffre, qui est un chiffre effectivement assez impressionnant, d'une personne sur trois qui, au cours de sa vie, requiert une attention médicale pour des problèmes psychiques. Alors, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup utiliser en psychiatrie, mais pour des problèmes d'ordre psychiatrique. C'est une statistique que vous tirez d'où, qui concerne vraiment tout le monde à différents niveaux, dont on n'a pas encore conscience dans le grand public, Marion Le Boyer ? Alors absolument, c'est une urgence de s'attaquer à ce problème des maladies psychiatriques maintenant, parce que ça concerne une personne sur cinq par an et une personne sur trois au cours de sa vie, que ça débute surtout chez les jeunes adultes. Donc si on n'enraye pas l'évolution de la maladie, ça va les toucher pendant toute leur existence, et que les chiffres que vient de donner Isabelle Durand-Zaleski sont tout à fait exacts. C'est-à-dire qu'on a l'impression en France d'être des grands consommateurs de médicaments, mais on le dit souvent dans les médias, que la France est le premier consommateur de benzodiazépines en Europe. Pas toujours à dessein, alors qu'il y a vraiment une énorme partie de la population de malades qui ne sont pas soignés correctement, et pas soignés correctement pour leur pathologie psychiatrique, mais aussi pour la maladie somatique dont ils sont très souvent auxquels ils sont très souvent exposés, parce qu'on sait par exemple que des maladies comme ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui expose aux maladies cardiovasculaires et qui associe l'obésité, l'hypertension, des dyslipidémies, donc des choses très simples à diagnostiquer et à prendre en charge, nos patients n'ont pas ce diagnostic, n'ont pas cette prise en charge. Et aujourd'hui, la première cause de mortalité, et donc de perte d'espérance de vie chez un patient qui a un trouble bipolaire ou une schizophrénie, c'est qu'il décède de maladies cardiovasculaires. Il y a eu un mouvement de protestation, de grève qui a pris de l'ampleur cet été, pouvant aller jusqu'à la grève de la faim dans un établissement à côté de Rouen. La ministre Agnès Buzyn a estimé récemment que la psychiatrie souffre d'une inadaptation et d'un manque d'effectifs, d'un retard de modernisation par rapport aux autres pays européens en termes de qualité de soins et de budget. Ça veut dire que cet appel commence à être entendu par le gouvernement actuel et par les pouvoirs publics, Isabelle Durand-Zaleski ? Vous avez très bien rappelé que la dépense totale pour l'assurance maladie est de 23 milliards. Juste, il faut peut-être ajouter que c'est la première maladie en termes de dépenses, si l'on exclut le poste qui s'appelle hospitalisation ponctuelle dans les dépenses de l'assurance maladie. Donc c'est la première maladie en termes de dépenses avant les tumeurs, avant les maladies cardiovasculaires. Alors vous dites la maladie, enfin ce sont les affections psychiatriques au sens large du terme. C'est ça, là j'utilise la terminologie de l'assurance maladie. Un mot peut-être aussi sur la réaction de la ministre. Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que ce mouvement de grève, ce mouvement de protestation au niveau national commence à être entendu, que ce que vous décrivez, la réalité que vous décrivez dans ce livre Psychiatrie, l'état d'urgence, ça veut dire que ça a porté auprès des sphères publiques, des décideurs? Alors je pense que très clairement les grèves, et en particulier les grèves de la faim des soignants, est quand même un symptôme extrêmement grave du fait que le système craque et qu'il est urgent d'y réfléchir, de le repenser et de le réorganiser. Alors on était très contents, nous, en janvier dernier, quand la ministre a annoncé, reconnu que la psychiatrie était le parent pauvre de la médecine et qu'il fallait plus que ça soit comme ça. Elle a promis un certain nombre de mesures avec lesquelles on était tout à fait d'accord en juin. Et c'est vrai qu'on est un petit peu déçus des mesures qui ont été annoncées là, dans la mesure où nous, on pense que le système, il a besoin d'être repensé, réorganisé de manière profonde, parce que il y a tout un niveau de dysfonctionnement qui explique le coût extrêmement important, le fait que les usagers ne sont pas pris en charge comme ils devraient l'être. Et il faut que des mesures comme celles qu'on propose là soient prises en compte et soient discutées. Un dernier mot pour conclure cette introduction. Vous dites, Marion Le Boyer, que la situation de la psychiatrie aujourd'hui est similaire à la situation en cancérologie au début des années 2000. Vous pouvez expliciter cela ? Alors tout à fait. Il faut se rappeler, je pense, au début, alors peut-être plutôt les années 90, le cancer était une pathologie dont on parlait peu, qui était extrêmement stigmatisée, pour lequel il y avait une inégalité d'accès aux soins sur le plan territorial considérable, un peu une loterie des traitements et pas de soutien à la recherche. Et on a créé l'Institut National de Recherche contre le Cancer, l'INCa, en mettant une somme d'argent qui est notable mais qui n'est pas non plus, compte tenu de l'ampleur du phénomène, déraisonnable. Et aujourd'hui, on sait qu'on guérit 2 cancers sur 3. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le même effort soit fait pour les maladies psychiatriques, et on a besoin que soit créé une agence, un opérateur, un institut qui très réellement prenne les choses en main, repense, réorganise, stimule la recherche, stimule l'information et la coordonne. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons aujourd'hui dans la méthode scientifique de l'état de la psychiatrie en France suite à la publication de ce livre « Psychiatrie, l'état d'urgence » coordonné par Marion Leboyer qui est notre invité aujourd'hui et Pierre-Michel Lorca. Nous en parlons également avec Isabelle Durand-Zaleski qui a contribué à cette somme. Peut-être est-il temps de faire aujourd'hui un état des lieux de l'état de la psychiatrie en France et de ces mouvements de grève et de protestation qui ont poussé, comme je le disais à l'instant, jusqu'à une grève de la faim pendant 15 jours à l'hôpital du Rouvray près de Rouen. Isabelle Durand-Zaleski, donnez-nous peut-être les moyens d'estimer cet état d'urgence qui est décrit dans le livre. Alors, pour des données d'épidémiologie peut-être, nous utilisons un terme, c'est du jargon qui est éventuellement un peu déplaisant pour les malades et leurs familles, qui est international et traduit malheureusement directement de l'anglais, qui est la notion de fardeau de la maladie. Et donc, c'est « burden of disease ». Et donc, ce fardeau de la maladie combine à la fois ce qui est perdu en termes d'espérance de vie, donc tout ce qui va être mortalité prématurée. Et on peut rappeler que dans le cas de patients souffrant de maladies psychiatriques, la mortalité est 4 fois plus importante que dans la population générale. Donc, on combine la perte d'espérance de vie liée à cette mortalité prématurée et la perte de qualité de vie liée à toute la souffrance engendrée par la maladie. Et en utilisant cet indicateur, donc là qui est complètement international de l'Organisation mondiale de la santé, on arrive au fait que les maladies psychiatriques représentent un quart du fardeau global de la maladie dans les pays développés en général, en France en faisant partie. Donc voilà un peu l'étendue du problème. Quand on parle de maladies psychiatriques, aujourd'hui on a aussi, il y a des règlements, il y a des classifications internationales qui sont révisées régulièrement, des classifications de l'OMS, on va peut-être pas rentrer, enfin on peut rentrer dans le détail d'ailleurs si vous le souhaitez, mais de quel type de pathologie on parle précisément, Marion Leboyer ? Alors vous avez raison de soulever ce point, parce que c'est des pathologies extrêmement hétérogènes qui sont recouvertes sous le terme les maladies psychiatriques, un petit peu comme si on parlait des cancers, et donc ça recouvre des pathologies comme les troubles de l'humeur, les dépressions, les troubles bipolaires, les troubles anxieux comme le TOC ou des crises d'angoisse. Les troubles obsessionnels compulsifs. Les troubles obsessionnels compulsifs, absolument. Les schizophrénies, les troubles du spectre de l'autisme. Donc des pathologies extrêmement variables, extrêmement hétérogènes en elles-mêmes et qui sont de ce fait très fréquentes. Et pas si simple que ça à diagnostiquer. Est-ce que, d'une certaine manière, alors il y a effectivement ce problème sur lequel on va revenir, de l'errance diagnostique qui peut aller jusqu'à 10 ans pour certains types de troubles, mais est-ce qu'il y a tout de même un progrès qui a été fait depuis les années 50, depuis le 20e siècle, sur le diagnostic, c'est-à-dire que ce sont des maladies que l'on identifie mieux aujourd'hui, notamment tout ce qui est attrait à la dépression ou aux troubles de l'anxiété, qui sont peut-être, Marion Leboyer, mieux analysées et donc qui créent en fait finalement cette augmentation du volume de patients que vous décrivez. Alors, on n'a pas de chiffre épidémiologique spécifique en France, donc je ne peux pas vous dire si ça a augmenté. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas diminué. Donc, il y a réellement un problème de prise en charge. Mais par contre, tout ce qui est l'analyse sémiologique clinique de ces pathologies, comme vous venez de le dire, est révisé très régulièrement dans des manuels de classification internationaux, qui sont soit européens, soit américains, et qui se rejoignent sur le plan de la clinique. Et tout à l'heure, Georges Hier parlait d'innovation et de révolution. Et on est à l'aube d'une révolution, pour autant qu'on nous donne les moyens d'avancer en stimulant la recherche, qui est le développement de toute une série de ce qu'on appelle des biomarqueurs qui peuvent venir à la fois de l'utilisation des outils connectés, des biomarqueurs biologiques et des biomarqueurs d'imagerie qui vont considérablement améliorer la qualité et la précision du diagnostic. Et puis également, on reparlera dans la dernière partie de cette émission de l'état de la recherche, notamment également en épigénétique, qui a fait beaucoup de progrès, qui renseigne d'une manière tout à fait nouvelle justement les origines de certains troubles psychiatriques. Isabelle Durand-Zaleski, vous vouliez réagir ? Juste pour compléter sur l'augmentation, là aussi l'assurance maladie vient de publier un peu des données de personnes qui ont recours aux soins. Ce qui là est un peu un problème, hein, puisque par définition, ceux qui n'ont pas recours aux soins échappent complètement aux statistiques. Et donc, entre 2012 et 2016, il y a eu une augmentation d'environ 10% des personnes ayant recours à des soins pour une affection psychiatrique. Cet état d'urgence, il concerne essentiellement la psychiatrie hospitalière. Il y a aussi un problème dans la psychiatrie de ville. Marion Leboyer ? Alors, la psychiatrie, c'est l'ensemble de la prise en charge, qu'elle soit hospitalière ou qu'elle soit de ville. Et elle peut être là, à ce moment-là, à la fois publique ou privée. Et il y a un engorgement des dispositifs absolument partout, qu'il s'agisse de l'allongement des files d'attente et du retard à avoir un rendez-vous sur ce qu'on appelle les CMP, les centres de consultation médico-psychologique, chez un psychiatre en ville ou à l'hôpital, où on a là aussi toute une série d'attentes et de patients qui restent pendant des heures, voire des jours, sur des brancards en attendant un lit d'hospitalisation. J'ai, en préparant cette émission, il y a un psychiatre qui m'a confié que, un psychiatre de ville, hein, qui me confiait qu'effectivement, aujourd'hui, dans le milieu psychiatrique de la psychiatrie de ville, on avait de plus en plus de réticence à confier des patients à la psychiatrie hospitalière, précisément non pas par manque de compétences, mais par manque de place et par dégradation du service de la psychiatrie hospitalière. Il y a quand même une sorte de dichotomie entre les deux univers. Alors aujourd'hui, je pense que, et ça c'est vraiment une réflexion qui est au cœur de notre livre, l'organisation du système de soins en psychiatrie, il est centré sur ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, qui est une organisation qui date en gros des années 60 et qui est partie d'une très belle idée qui était qu'on allait organiser sur le plan territorial une approche globale de la prise en charge qui permettait à la fois la prévention, qui permettait le diagnostic précoce, la prise en charge au plus près des patients en ville. Or aujourd'hui, on sait que le secteur, il est totalement exsangue, il est très hospitalo-centré, plus qu'autre chose. Il n'incite pas à l'innovation. Il y a toute une série de clivages qui sont associés à cette psychiatrie de secteur, le clivage entre la psychiatrie et la médecine générale, donc la prise en charge somatique, le clivage entre la psychiatrie de l'enfant et la psychiatrie de l'adulte, il y a aussi un système qui s'est complété en France de toute une série d'innovations qui rendent le système totalement illisible. C'est ce que vous décrivez, hein. Vous décrivez un système avec un empilement de centres experts, de CMP, d'hôpitaux, de CATTP, et qui devient effectivement impraticable et par ailleurs engorgé à toutes les entrées. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de pilote dans l'avion. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de système ou d'endroit où les usagers, qu'ils soient patients, familles ou médecins, généralistes en particulier, puissent comprendre comment rentrer dans le système de soins, comment trouver le spécialiste de telle ou telle pathologie. Ils ont du mal à comprendre les différents termes. Il n'y a pas de cartographie. Et donc, ce que nous, on dénonce dans ce livre, en plus de cette absence ou de ce manque d'information et de cartographie, il n'y a pas d'évaluation de ces différents dispositifs de santé. Pour reprendre l'exemple du cancer, c'est impératif aujourd'hui qu'on soit capable de prescrire en fonction des recommandations nationales et internationales, qu'on évalue les dispositifs de soins, qu'on les ferme s'ils ne sont pas de qualité ou qu'on les déploie s'il y a une innovation de qualité. Aujourd'hui, nous, on se plaint du fait que ça n'existe pas en psychiatrie. Isabelle Durand-Zaleski. Juste pour compléter sur l'aspect hospitalier, en effet, c'est-à-dire quand on regarde les chiffres, on voit que l'hôpital représente à peu près les deux tiers des dépenses consacrées aux patients atteints d'infections psychiatriques, et c'est probablement de l'argent qui pourrait être utilisé d'une manière plus efficiente. Il y a on l'entendait tout à l'heure, hein, dans l'archive de Georges Hier, de dire au lendemain de la guerre, enfin depuis déjà quelques années, la psychiatrie a tenté de se débarrasser de la logique asilaire, c'est-à-dire cet endroit où on enfermait les personnes atteintes de troubles psychiatriques, on les appelait fous, on les écartait de la société. Et bien cette volonté de sortir de la logique asilaire a conduit paradoxalement à la suppression de 70% des lits à temps complet ces 30 dernières années dans les hôpitaux. Donc c'est une sorte de dégâts collatéraux, entre guillemets, Marion Le Boyer. Alors, je ne sais pas si c'est directement en lien avec ce que Georges Hier dénonçait. C'est vrai qu'il y a eu une fermeture de près de la moitié des lits en France, sans pour autant de déploiement, comme ça s'est fait dans les pays européens voisins, de systèmes ambulatoires, d'équipes mobiles, de toute une série d'innovations qu'on pourrait mettre en place, qui accompagneraient une médecine plus spécialisée par pathologie, une médecine plus tournée vers l'ambulatoire et le maintien des personnes à domicile avec toute une série d'aides, l'implication des familles dans le système de soins, ce qu'ils réclament et ce qu'ils demandent. Enfin, il y a toute une série d'innovations, encore une fois, qui sont aujourd'hui aussi criantes de vérité que ce qu'a dit Georges Hier, mais qui pour autant ne sont pas connues, ne sont pas évaluées, ne sont pas déployées sur le territoire. Il y a quelque chose qui a aussi certainement marqué les esprits, parce que peut-être qu'on pourra y revenir d'ailleurs, il y a encore une image de marque de la psychiatrie qui fait encore peur aujourd'hui à beaucoup de gens, à beaucoup de citoyens. Quand on est adressé à un psychiatre, on ne veut pas y aller parce qu'on se dit « mais je ne suis pas fou ». Il y a peut-être, et vous l'expliquez d'ailleurs, un problème d'image à changer. On y viendra tout à l'heure dans les solutions que vous proposez à la fin de ce livre, mais il y a ce rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur l'isolement et la contention dans les établissements de santé mentale en 2016 qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait aussi un certain nombre de dégâts, j'imagine. Ouais. Isabelle Durand-Zaleski. Oui, enfin, l'aspect sur le traitement à l'hôpital, c'est quelque chose que Marion connaît, qu'on aime bien mieux que moi, mais sur l'aspect prise en charge des patients, là je pense qu'il faut vraiment se rappeler de ce que dit l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire que dans tous nos pays, justement peut-être aussi à cause de la stigmatisation, mais aussi à cause du fait que ces pathologies peuvent toucher des populations précaires, les gens ne sont pas pris en charge. Marion Le Boyer. Alors, c'est vrai que le contrôleur des lieux de privation de liberté inspecte très régulièrement nos services, et c'est une très bonne chose. Il dénonce les cas de patients qui pourraient être abusivement placés sous contentieux. Il faut savoir qu'il reste quand même extrêmement rare. Ceci dit, il faut aussi savoir que c'est l'illustration du retard au diagnostic, donc du fait que les patients arrivent extrêmement tard à une prise en charge qui aurait pu être plus précoce et plus efficace. C'est aussi l'illustration du manque de moyens auquel nous devons faire face. Et les professionnels de santé sont obligés d'assurer la sécurité des patients sans toujours disposer du personnel suffisant. Donc c'est la conséquence ultime et grave de la situation qu'on dénonce. Il faut préciser peut-être aussi un peu ce qu'est le quotidien aujourd'hui des personnels qui travaillent, des médecins mais aussi des infirmiers, des personnels soignants, des accompagnants dans ces hôpitaux psychiatriques qui souffrent d'un grand déficit de personnel, qui sont seuls, qui sont pas assez nombreux, qui souffrent d'un déficit de moyens également. Le constat est très très très sévère. Alors les soignants, moi je trouve que c'est assez frappant d'un lieu de grève à un autre, à quel point ils se plaignent de ne pas être suffisamment nombreux, mais aussi de leur douleur à ne pas être en mesure de donner la qualité de soins auquel on pourrait s'attendre pour les patients parce qu'ils sont pas suffisamment nombreux. Donc ils ont à leur disposition des stratégies thérapeutiques, mais ils peuvent pas, ils ont pas en nombre suffisant pour pouvoir les déployer. Donc il y a vraiment un problème aujourd'hui. Peut-être pas tant de moyens généraux, parce qu'on ne demande pas de rajouter des moyens aux moyens, mais de vérifier que les outils thérapeutiques, les stratégies thérapeutiques qui sont aujourd'hui très inégalement réparties sur l'ensemble du territoire, peuvent être dispensées par les équipes, qu'elles soient hospitalières ou extra-hospitalières. Et pour ça, il faut que les équipes soient formées, soient en nombre suffisant, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui conduit, ce cercle vicieux qui conduit effectivement des témoignages pendant les grèves du personnel hospitalier à dire que la seule stratégie la plus simple, en tout cas à déployer quand on est en sous-nombre, c'est la stratégie médicamenteuse, et donc ça réalimente un imaginaire populaire. Marion Le Boyer. Alors, je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. On a besoin de ces médicaments qui sont extrêmement efficaces, et il ne faut pas les stigmatiser ou dire parce qu'on n'a pas assez de personnel, on donne des médicaments. Personnes en grève disent, en le déplorant, tout évidemment. Tout à fait, mais il faut utiliser les médicaments de façon correcte, avec le bon médicament, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une médecine entre guillemets de précision, comme dans les autres disciplines médicales, pour pouvoir choisir au bon moment le bon médicament, à la bonne dose, et expliquer aux patients de façon extrêmement précise pourquoi on lui donne ce médicament. Et une fois que le patient est pris en charge correctement par ce traitement, il est impératif de compléter la prise en charge médicamenteuse par la forme de psychothérapie qui est la plus adaptée. Je voudrais m'arrêter une seconde là pour dire qu'il y a énormément de formes de psychothérapie qui vont de l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, à ce qu'on appelle la remédiation cognitive, qui est là pour améliorer les fonctions cognitives, ou bien aux thérapies familiales, aux thérapies individuelles, aux thérapies d'inspiration analytique. Donc il y en a énormément, et il faut que les soignants, les psychiatres, les psychologues soient en mesure de mettre en place ces stratégies thérapeutiques en les proposant à bon escient. Et puis le troisième grand axe des stratégies thérapeutiques, c'est tout ce qu'on appelle les règles d'hygiène de vie, qui sont à peu près les mêmes que quand on a un diabète ou une maladie cardiovasculaire, et qui sont extrêmement importantes en matière de sommeil, de respect d'une alimentation correcte, d'activité physique, toute une série de facteurs qui ne sont pas suffisamment répétés aux patients et qui sont extrêmement importants puisque ces patients, je le répète, ont des maladies cardiovasculaires plus souvent que les autres. Isabelle Durand-Zaleski, vous voulez réagir? Pour compléter, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les maladies psychiatriques sont la première cause de mortalité prématurée. Donc, ça veut dire avant 65 ans. Avant les cancers, avant les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment un sujet et qui est d'autant plus important que, comme vient de le dire le professeur Le Boyer, ce sont souvent des maladies somatiques qui sont la cause de ces décès. Donc, tumeurs, maladies cardiovasculaires, maladies hépatiques. Qui, du coup, ne sont pas prises en charge, pas traitées, pas diagnostiquées. Un mot également, il y a un certain nombre que vous avez, un point que vous avez abordé, Isabelle Durand-Zaleski, qui était intéressant, c'est celui effectivement des populations les plus exposées, qui sont les populations les plus fragilisées. Vous le décrivez dans ce livre, les SDF, les migrants, les détenus, et qui sont des populations qui ont moins accès aux soins, pour qui l'accès aux soins est plus complexe, c'est un parcours d'obstacles plus difficile. Alors c'est vrai de toutes les maladies, mais probablement davantage des maladies psychiatriques. Les Anglais ont fait un travail vraiment intéressant là-dessus, c'est la London School of Economics, qui ont regardé justement ce qui se passait pour les autres secteurs que la santé, quelles étaient les conséquences des maladies psychiatriques sur le secteur de la justice, de l'emploi, et qui ont montré en effet qu'il y avait un fardeau là encore en jargon, considérable sur tous les autres secteurs de services publics en raison des maladies psychiatriques, du retard au diagnostic, du retard à la prise en charge. Bon, des comorbidités avec les addictions, qui là aussi sont un problème, je pense, vraiment important. Marion Le Boyer. Alors pour compléter ce que vient de dire Isabelle Durand-Zaleski, on a été dans notre laboratoire et avec d'autres équipes en Europe très enclins à identifier les facteurs de risque qui rendaient un certain nombre de personnes vulnérables aux maladies mentales et on commence à vraiment les connaître de façon très précise. Donc la premier d'entre eux qui n'est pas suffisamment connu et ça rebondit sur ce qu'Isabelle vient de dire, c'est le cannabis qui est un des facteurs d'augmentation du risque considérable de développer des maladies mentales mais aussi ensuite de rechute et on ne le dit pas assez parce que c'est quand même un souci de consommation dans le monde entier aujourd'hui. Des maladies mentales de type dépression, schizophrénie, troubles bipolaires en particulier. D'accord. Deuxième grand facteur de risque, c'est le stress, et le stress sévère pendant l'enfance. Un autre exemple, c'est les infections précoces, en particulier pendant la grossesse. Donc ça, c'est des facteurs qui sont progressivement identifiés, qui n'étaient pas très... Des facteurs physiologiques, oui. Voilà. Et puis, parmi des facteurs aussi qu'on a identifiés de façon très précise, c'est tout ce qui est lié au fait de vivre en ville, à l'urbanicité. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a deux fois plus de schizophrènes dans les grandes villes en Europe que dans les campagnes, on va dire. Et puis, très récemment, on est en train de commencer à démontrer que les polluants, en particulier l'exposition aux pesticides, est un facteur d'augmentation du risque de l'autisme. Il y a une très grosse étude américaine qui est sortie cet été sur des données européennes et qui le montre de façon assez éclairante. Donc, c'est un sujet qui démarre sur le plan de la recherche, mais qui, en matière de prévention, d'identification des risques et d'identification des sujets sur lesquels notre attention devrait porter, il faut être extrêmement vigilant. Et le dernier facteur, c'est la migration. Aujourd'hui, nos consultations sont malheureusement très très très sollicitées pour des personnes qui sont dans des situations de migration et pour lesquelles la demande de consultation et de prise en charge va croissante. J'aimerais qu'on termine un peu cet état des lieux par une question qui est au centre, parce que cet état de la psychiatrie, c'est un état franco-français. Dans d'autres pays, il y a évidemment des pays où les choses sont pires, mais il y a un certain nombre de pays autour de nous qui servent d'exemple inverse, qui montrent que les choses ont pu se passer différemment. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour qu'on en arrive aujourd'hui, en 2018, à cet état d'urgence, Marion Le Boyer ? Alors, ce qui s'est passé, je ne sais pas l'expliquer, je ne suis pas ni historienne ni sociologue. Ce qui est clair, c'est qu'on a aujourd'hui absolument besoin de réformes, de prendre en compte ce qui se passe effectivement dans les pays voisins ou plus lointains, où le système a été réformé, réorganisé en profondeur. Par exemple ? Alors, on peut prendre très loin de nous, l'Australie, qui est le champion du monde de la prévention du diagnostic extrêmement précoce pour les jeunes adultes. Et on sait que toute notre attention doit se porter sur le dépistage, parce que, comme toutes les maladies, plus on les prend en charge tôt, meilleur est le pronostic. On sait aussi que dans les pays du nord de l'Europe, l'information dans les classes donc, et dans le milieu du travail sur la dépression, sur tout ce qui fait que ça ne devient pas un sujet terrifiant, parce qu'on ne le comprend pas, est fait très régulièrement. Et puis il y a énormément de pays où on a réduit le nombre d'hospitalisations, mais sans pour autant supprimer les moyens, en donnant des moyens et en déployant des innovations sur le qui permettent de maintenir à domicile les patients et de les prendre en charge avec une psychiatrie très spécialisée par pathologie et pas uniquement une psychiatrie généraliste et avec toute une série d'équipes mobiles là aussi spécialisées pour la prise en charge des jeunes adultes, pour la prise en charge du suicide, pour toute une série de stratégies qu'on pourrait très bien développer en France. Donc qu'on dénonce, nous, c'est précisément ça, c'est pourquoi, et je vous retourne la question parce que je ne sais pas y répondre, pourquoi est-ce qu'on ne se saisit pas, pourquoi est-ce que les décideurs ne se saisissent pas de ce sujet pour prendre en compte les innovations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient scientifiques, autour de la psychiatrie, pour qu'on puisse les mettre en place comme on l'a fait chez nos voisins. Isabelle Durand-Zaleski, sur les origines de cette situation, de ce mal, sur la dérive, est-ce qu'il y a une responsabilité peut-être aussi des psychiatres eux-mêmes ? Moi, ce que je vois, c'est dans ce qu'ont fait les autres pays. Par exemple, il y a des campagnes nationales de lutte contre la stigmatisation. Et là aussi, vu la fréquence de cette maladie, nous avons tous dans notre entourage des gens qui ont été affectés. Et en effet, il y a cette espèce de stigmatisation, comme vous le disiez, hein, de gens qui ont peur d'aller consulter, qui ont peur d'être étiquetés fous. Enfin, donc du coup, ça n'a pas trop changé depuis 70 ans. Et ça, c'est terrible parce que ça fait un retard au diagnostic. Ça fait des gens qui, donc, pour les gens qui sont bien insérés dans la société, à la fin, quelqu'un va quand même arriver à que la consultation ait lieu, la prise en charge ait lieu. Mais pour les gens qui sont mal insérés dans la société, c'est là où vous avez les situations les plus catastrophiques, où en effet, les coûts pour le système de soins seront peut-être faibles, puisque ce sont des personnes qui ne consultent pas, mais les coûts en dehors du système de soins, sur l'emploi, le système judiciaire, etc., là vont être élevés, comme l'ont bien montré les Anglais. Stop! Where is my mind chante les Pixies sur France Culture à 16h32, puisque nous parlons aujourd'hui de l'état de la psychiatrie en France suite à la parution de ce livre Psychiatrie, l'état d'urgence, édité chez Fayard, co-dirigé par Marion Leboyer, qui est notre invitée, qui est responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires APHP Henri Mondor à Créteil, et auquel participe également Isabelle Durand-Zaleski, qui est directrice de l'unité de recherche ECHO Île-de-France à l'hôpital Hôtel Dieu APHP également. Nous en parlons donc tout au long de cette heure avec une question qui est revenue un petit peu et qui va nous amener au reportage du jour, celle de ce retard diagnostique que l'on dit de 10 ans, ce retard diagnostique sur un certain nombre de troubles comme les troubles bipolaires. Quelle en est l'origine? Pourquoi est-ce que on met tant de temps aujourd'hui en France à diagnostiquer un certain nombre de troubles psychiatriques, Marion Leboyer? Alors si on prend l'exemple des troubles bipolaires, il y a plusieurs explications. La première, c'est la stigmatisation, c'est-à-dire que quand on est un jeune adulte et qu'on fait un épisode dépressif ou un épisode maniaque et qu'on vous dit d'aller voir un psychiatre, ça fait peur, ce qu'a expliqué tout à l'heure très bien Isabelle Durand-Zaleski. Donc c'est pas si simple que ça, parce que manque d'informations, manque de communication. Donc merci à France Culture de nous donner la parole aujourd'hui. Deuxième point, c'est pas des diagnostics si faciles que ça. C'est facile quand c'est un grand épisode maniaque typique, parce que y a pas d'autres diagnostics. Mais quand c'est un premier épisode dépressif, aujourd'hui, on n'a pas forcément les marqueurs biologiques qui vont permettre de poser le diagnostic avec certitude. Donc c'est pour ça qu'à la Fondation Fondamentale, on a pensé que c'était extrêmement important de pouvoir compléter l'organisation des soins qui est très généraliste par des systèmes de recours diagnostiques spécialisés par pathologie avec des équipes pluridisciplinaires qui sont rodés et expérimentés sur ce type de pathologie et qui peuvent faire un bilan aussi étendu que ce qu'on fait, pour reprendre l'exemple du cancer, quand il y a un cancer ou une autre pathologie, avec une évaluation qui est aussi bien psychiatrique que médicale, que cognitive, pour confirmer le diagnostic et surtout proposer des recommandations thérapeutiques adaptées. Vous pouvez nous dire un mot justement de cette fondation fondamentale. On dénonçait tout à l'heure le millefeuille de la structure des soins et des suivis psychiatriques en France, avec les hôpitaux de jour, les CMP, etc. Où se situe la Fondation Fondamentale dans ce millefeuille-là? Alors cette fondation, c'est une fondation privée, qui est une fondation de coopération scientifique qui a été créée par le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé à l'issue d'un appel d'offres très compétitif il y a 11 ans, très précisément, et qui a quatre missions, celle de l'amélioration de la prévention et du diagnostic. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons proposé la création de ces centres experts, qui ont été déployés dans certaines villes par la DGOS, par le ministère de la Santé, et dont la Fondation Fondamentale, aujourd'hui, grâce à la générosité du grand public, assure la coordination. On a démontré l'efficacité de ce dispositif, on a démontré qu'ils étaient plébiscités par les usagers, que ce soit les patients ou les médecins qui nous adressent les patients. Pour autant, on est toujours tout seul à essayer de demander à ce que ce système soit généralisé officiellement à l'ensemble du territoire et à ce que la coordination, qui est une mission de service public, soit financée par l'État. Deuxième mission de cette fondation, nous sommes là pour soutenir, inciter, promouvoir, financer la recherche en psychiatrie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et le troisième point, c'est la formation et la communication, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire comment traduire en mots simples les innovations qui existent en recherche en psychiatrie en France. Alors, un mot que je suis un peu contraint d'aborder, parce que je pense que ça participe de du brouillage du message et certainement peut-être un peu d'une mauvaise image de marque que peut avoir la psychiatrie en France. Par exemple, la Fondation a été très très sévèrement critiquée par le vice-président de l'Union syndicale de la psychiatrie, qui vous reproche un certain nombre de liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce que ces querelles de chapelle-là, c'est ce que j'ai trouvé pour préparer l'émission. Est-ce que ces querelles de chapelle-là ne nuisent pas aussi au message que vous voulez essayer de faire passer? Alors, je suis désolée, je ne connais pas cette critique-là. En tout cas, elle est totalement inappropriée. On est une fondation qui a été créée par l'État, qui a été financée par l'État et par ses membres fondateurs, qui sont publics, qui sont l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, l'INSERM, le CEA, les trois universités, l'Université Paris 5, Paris 6, Paris 12, qui ont contribué au financement de cette fondation. Et vous trouverez sur notre site que nous demandons aux gens qui viennent voir notre site de contribuer par des donations à soutenir nos missions. Donc on travaille absolument avec le public et avec le privé. Et par ailleurs, je voudrais aussi dire que l'industrie pharmaceutique s'est retirée du développement d'innovations thérapeutiques en psychiatrie, ce qui est vraiment tragique pour nos malades, et qu'il n'y a pas de honte à travailler avec l'industrie pharmaceutique dans la mesure où ce sont eux qui amènent des innovations dont nous avons extrêmement besoin pour nos patients. Alors justement, pour comprendre exactement comment fonctionnent ces centres experts, nous nous sommes intéressés aux troubles bipolaires qui tiennent une bonne place dans cette errance diagnostique que vous évoquiez l'une et l'autre à l'instant. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendue justement au Centre Expert Bipolaire Fondamental pour comprendre comment se déroule le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Oui Nicolas, et c'est le docteur Bruno Étain qui dirige le Centre Expert Bipolaire à l'hôpital Fernand Vidal de Paris. Il s'agit d'un centre ambulatoire spécialisé à plusieurs niveaux. Le suivi clinique et psychiatrique des patients bipolaires, le diagnostic pour les personnes susceptibles de développer la maladie et aussi la recherche thérapeutique pour développer des traitements plus adaptés. Les troubles bipolaires font partie des troubles de l'humeur et dans cette forme de troubles de l'humeur, les patients vont alterner des phases de dépression caractérisées et des phases d'excitation pathologique. Et c'est l'alternance de ces phases de dépression et de ces phases d'excitation qui vont conduire, dans certains cas, à diagnostiquer un trouble bipolaire. En France, il y a un problème de diagnostic. Comment ce centre ici peut améliorer l'identification de ces troubles chez des jeunes personnes ? Alors, c'est pas forcément un diagnostic extrêmement simple à poser. Typiquement, on dit qu'il faut, entre un premier épisode de la maladie et l'instauration d'un traitement, environ une dizaine d'années pour que le diagnostic soit posé et que le premier traitement régulateur de l'humeur soit instauré. Comment vous dialoguez avec les médecins généralistes qui, eux, sont confrontés en premier lieu avec le malade ? Alors, c'est extrêmement long pour les patients, bien entendu, pour leur entourage aussi. Mais d'un autre côté, c'est une pathologie qui est compliquée à diagnostiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément à l'heure actuelle de marqueurs externes, je ne sais pas, une prise de sang ou une imagerie cérébrale qui nous permettrait de faire ce diagnostic. Bien entendu, les médecins généralistes ont quelques outils qu'on essaye de leur donner dans le cadre de formation pour essayer d'évaluer, notamment chez des patients qui souffrent de dépression. Et les médecins généralistes sont maintenant quand même beaucoup mieux enclins à explorer, en tout cas à se poser la question, et à dire, à partir du moment où je me pose cette question, j'aimerais avoir la confirmation par des personnes qui connaissent bien cette pathologie, et du coup, je vais référer mon patient à un centre expert pour un avis diagnostique. Alors, quel est le parcours ici pour un patient ? Alors, les patients sont adressés par un courrier du médecin référent, et la consultation de psychiatrie et le centre expert bipolaire accueille des patients en consultation. C'est ici que les patients viennent rencontrer les psychiatres et psychologues. Voilà, donc c'est une unité. Dans ce cas précis, on va réunir autour du patient l'équipe ici qui comprend le médecin psychiatre, l'interne en psychiatrie, la psychologue clinicienne, la neuropsychologue, l'infirmière en psychiatrie, qui vont tous contribuer à une observation détaillée du patient, qui nous permettent de faire les premières consultations. Et si le patient revient pour un bilan, il reviendra dans les mêmes locaux où il arrive le matin, il repart le soir, et il est évalué ensuite dans ces différents endroits. Alors d'abord, au niveau du poste de soins par l'infirmière. Ah oui, donc ici c'est le cabinet vraiment médical où on effectue les tests. Voilà, donc c'est le poste de soins pour les aspects de prise de sang, puisque le patient va bénéficier d'un bilan sanguin systématique, donc c'est un aspect très important, un électrocardiogramme, etc. Parce que les patients qui souffrent de troubles psychiatriques de manière générale ne sont pas toujours extrêmement bien suivis sur le plan de la santé physique, et c'est l'occasion également de repérer et de dépister potentiellement des problèmes de santé physique qui font partie intégrante de son projet de soins. Et ensuite, il va rencontrer les différents intervenants, notre interne en psychiatrie, le médecin psychiatre, la psychologue clinicienne et puis la neuropsychologue pour faire les tests. Pour un patient, en moyenne, combien de temps, combien d'années il faut pour arriver à trouver son bon traitement, sa bonne thérapie ? Alors, c'est extrêmement variable d'un patient à l'autre. Par exemple, si on considère les sels de lithium, qui sont un des traitements thymorégulateurs majeurs dans les troubles bipolaires, on sait qu'on va avoir à peu près 30% des patients qui sont dits d'excellents répondeurs. Et on sait que malheureusement, il y a également un tiers des patients qui n'auront pas de bénéfice décrit, par exemple, de sels de lithium. Et ça, on n'a à l'heure actuelle pas vraiment de moyen de prédire, ce qui est un problème pour nous. Donc on a des protocoles de recherche pour ça dans le département, justement pour essayer d'avoir une médecine donc à la fois personnalisée et prédictive, c'est-à-dire de dire en fonction de tels et tels indicateurs, on a un trouble bipolaire qui est plus susceptible d'être efficacement traité et prévenu, par exemple, par telle ou telle molécule. Ici, vous couvrez toute l'île de France. Est-ce que vous avez une masse énorme de patients que vous ne pouvez pas prendre en charge? Alors, on essaye toujours, voilà, s'il y a des patients qu'on ne peut pas prendre en charge, parce que le nombre de demandes qu'on reçoit toutes les semaines pour des nouvelles consultations est extrêmement, extrêmement élevé, on essaie toujours d'orienter le patient au plus proche. L'expérience du centre expert dans le fait de trouver des contacts, des correspondants, fait qu'on a quand même la possibilité de savoir que, par exemple, si un patient vient, je sais pas, de la région d'Orléans, on a potentiellement des contacts sur place avec les associations de patients, avec des personnes qui ont mis en place des actions un peu spécifiques autour de la bipolarité. Et on a toujours cette possibilité d'essayer de guider le patient au plus près de son lieu de domicile pour sa prise en charge. Voilà le reportage du jour dans ce centre expert bipolaire fondamental pour la région parisienne. Une réaction peut-être l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Isabelle Lyon-Zaleski? Les centres experts qui ont été mis en place ont vraiment démontré qu'ils arrivaient non seulement à mieux traiter les patients, mais ça, Marion Leboyer vous en parlera mieux que moi, mais également à réduire les consommations de soins et, un point dont on n'a pas encore parlé, à améliorer l'insertion professionnelle, c'est-à-dire à réduire les arrêts de travail, maladies professionnelles. Et juste pour rappeler que les affections psychiatriques représentent en fait un quart du montant total dépensé en accident de travail, maladies professionnelles en France. Donc toute action qui peut arriver à réduire ce montant sera bienvenue. On sait que quand on estime en termes économiques le coût total de ces errances psychiatriques, en tout cas de cet état d'urgence que vous décrivez pour la société, il est faramineux. Donc vous avez cité le chiffre de 23 milliards, ça c'est les dépenses assurance maladie en lien avec les affections psychiatriques, mais il y a d'autres coûts qui ne sont pas dans les comptes de l'assurance maladie que nous avions essayé d'estimer, et ce qui était réconfortant c'est que les Anglais l'avaient fait auparavant, on le refait, et trouvent les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'il y a des coûts qui sont liés au secteur médico-social, ensuite les coûts qui sont liés à la perte de productivité, soit les fameux arrêts de travail, mais également le fait que les gens travaillent en étant moins productif. Et puis il y a un autre aspect qui est plus difficile peut-être à expliquer, mais c'est la perte de qualité de vie et la perte de vie que l'on essaye de valoriser en argent pour éviter le reproche qui est fait assez régulièrement aux économistes de la santé que votre discipline ne sert à rien parce qu'il suffit de tuer tout le monde, comme ça on gagne de l'argent. Donc ça du coup on a une petite défense contre cela qui a été utilisée. Marion Leboyer. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vient d'expliquer le professeur Bruno Étain pour expliquer ce qu'on fait comme recherche. Donc, Isabelle vient d'expliquer qu'on a à cœur de démontrer l'efficacité pour la vie de nos patients de ce qui se passe sur les centres experts. Et on a donc démontré qu'un patient qui passe sur un centre expert et qui a atteint un trouble bipolaire, 12 mois après être passé sur un centre expert, il a une amélioration considérable de son pronostic avec une diminution de ses symptômes, une augmentation de l'observance thérapeutique et, pour les économistes et les décideurs qui nous entendent, une diminution de près de 50% des journées d'hospitalisation. Donc ça montre bien que l'efficacité de ce qu'on propose et la spécialisation est importante. Mais on fait aussi toute une série d'autres recherches qui ont à cœur de démontrer les causes de ces maladies, mais aussi, par exemple, on vient de parler là du lithium, les mécanismes d'action du lithium. On essaye aussi de développer des nouveaux outils diagnostiques qui peuvent être, par exemple, biologiques, avec des marqueurs sanguins, mais aussi des marqueurs issus de l'imagerie cérébrale. Par exemple, donnez-nous des exemples concrets, de ces recherches, parce que c'est des recherches qui sont évidemment à la pointe de la recherche en psychiatrie aujourd'hui. Absolument. Donc, on a montré, par exemple, qu'il y a toute une série de facteurs génétiques qui sont impliqués dans le trouble bipolaire, des gènes qui sont impliqués dans l'horloge. On sait que le rôle du rythme circadien est extrêmement important dans le trouble bipolaire. On a montré qu'il y a des variants génétiques associés à ces gènes qui sont associés au trouble bipolaire et qui entraînent une diminution de synthèse d'une neurohormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Nous, dans notre laboratoire, on a beaucoup travaillé toujours sur le plan biologique, sur tout ce qui s'appelle les phénomènes de l'immunopsychiatrie, donc la composante immuno-inflammatoire qui sous-tend ces maladies, et qui est à l'origine probablement des maladies cardiovasculaires qui sont associées, avec toute une série de marqueurs biologiques qui sont porteurs d'espoir, parce que on va pouvoir mieux comprendre l'hétérogénéité de ces pathologies et délivrer des nouvelles stratégies thérapeutiques. On a aussi fait des progrès sur le plan de l'imagerie cérébrale, aussi qui sont extrêmement porteurs d'espoir. Et puis on a développé toute une série d'innovations thérapeutiques qui vont de la remédiation cognitive, dont on a montré qu'elle permet d'améliorer les compétences cognitives des patients bipolaires, ou encore on a été à l'origine des premiers programmes en France de psychoéducation, d'éducation thérapeutique, qui là aussi permettent que les patients soient beaucoup plus maîtres de la pathologie parce qu'ils les comprennent mieux. Cette piste inflammatoire, on en avait parlé à plusieurs reprises autour de ce micro, de ce qu'on appelle une sorte d'inflammation à bas bruit, qui serait derrière un certain nombre de pathologies dépressives notamment. Alors pas que, c'est cette inflammation à bas bruit qui est probablement la conséquence d'une interaction entre des facteurs de risque environnementaux, stress, infection, maladies auto-immunes et des facteurs de vulnérabilité génétique qui expliquent que nos patients ne se défendent pas bien, en tout cas certains d'entre eux, contre des agressions environnementales. Et à cause de cette interaction entre ce terrain génétique et ces facteurs de risque environnementaux, ils vont développer tout au long de leur vie une inflammation de bas niveau qui commence probablement très tôt dans l'enfance et qui va avoir des conséquences au niveau cérébral mais aussi au niveau de l'intestin, et on sait que l'augmentation de l'inflammation associée au stress, associée à toute une série de toxines, va entraîner une augmentation de la perméabilité de cette barrière digestive, le passage de certaines substances dans la circulation qui normalement ne passent pas, et la fabrication de ce qu'on appelle des auto-anticorps dans le cadre de maladies auto-immunes, dont on sait qu'elles sont beaucoup plus souvent associées aux troubles bipolaires, à la schizophrénie ou à l'autisme, donc dans des pathologies très, très différentes. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter vers cette émission que nous avions consacrée, c'était dans un vendredi d'actualité scientifique sur les inflammations à bas bruit et sur le début de connaissance, et c'est un vaste continent que l'on commence tout juste à aborder. Peut-être un mot encore aussi, vous disiez tout à l'heure Marion Le Boyer, et c'est assez intéressant dans ce pays que l'on décrit si souvent comme étant l'un des premiers consommateurs par tête de benzodiazépines et d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, sur la recherche pharmaceutique. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, il y a quelques minutes, que la recherche pharmaceutique en psychiatrie est au point mort. Alors, toutes les structures de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique, en tout cas en France, ont considérablement arrêté ou réduit le développement d'innovation pour toute une série de raisons qui tiennent au financement insuffisant de la recherche en psychiatrie, qui fait que on ne produit pas autant qu'on voudrait ou on ne soutient pas assez le développement d'innovation pour pouvoir produire des nouveaux mécanismes et des nouvelles pistes de recherche, et aussi au dispositif du financement des essais thérapeutiques et au financement de l'innovation thérapeutique en tant que telle et du calcul de toute une série de dispositifs sur le plan économique de financement des médicaments et des innovations thérapeutiques. Isabelle Durand-Zaleski, aujourd'hui, la recherche en psychiatrie est sous-financée. Il n'y a pas d'effort par rapport à d'autres pays. On sait que la France a un investissement de la recherche en psychiatrie qui est plus bas que la moyenne. Alors vous avez raison, la France a un investissement plus bas que la moyenne, en gros deux fois plus bas par exemple que certains pays comparables, mais peut-être pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, donc nous avons dit que la psychiatrie, les maladies psychiatriques, c'est la première cause, mettons, de fardeau de la maladie, de perte de qualité de vie, de perte de vie, c'est à peu près un dixième de la dépense totale de santé. Tous ces chiffres-là ne justifieraient pas que l'on investisse dans la recherche si on ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose coûte cher qu'il faut continuer à mettre de l'argent si ça sert à rien. Là, en revanche, ce qui a été assez bien étudié, c'est qu'on a montré que la recherche en psychiatrie avait un bon retour sur investissement, non pas nécessairement pour l'industrie pharmaceutique, mais pour la société en général. C'est-à-dire que investir dans l'amélioration de l'observance, la meilleure coordination des soins, le diagnostic précoce, la meilleure prise en charge, le respect des recommandations de pratique, avait un très bon retour sur investissement, et donc ça vaut en effet la peine d'investir dans ces domaines-là. Est-ce que la psychiatrie, qu'elle soit hospitalière ou la psychiatrie de ville, ne souffre pas de ce qu'on a décrit pendant un certain nombre de temps comme la stratégie du tout médicament? C'est-à-dire est-ce que la psychiatrie française n'a pas eu une confiance aveugle dans la stratégie médicamenteuse au détriment d'autres thérapies, notamment d'introduction de sources américaines de thérapies cognitives ou comportementales qui ont eu plus de mal à se faire une place en France que dans les pays anglophones? Marion Le Boyer. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'en France, on souffre d'une inégalité d'accès à ces stratégies thérapeutiques qu'on appelle au sens large les psychothérapies ou les thérapies psychosociales, qui sont très inégalement offertes en traitement sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément les psychologues qui ont été formés à ces stratégies thérapeutiques. Deuxièmement, autre différence française, elles ne sont pas remboursées. Donc un psychiatre qui prescrit un médicament, le médicament va être remboursé. Aujourd'hui, un psychologue qui fait ce complément de stratégie thérapeutique qui est telle ou telle forme de psychothérapie n'est pas remboursée. Donc ça, il y a des expérimentations en ce moment dans le sud de la France dont on attend avec intérêt la réponse. C'est-à-dire, par exemple, en quoi elles consistent, ces expérimentations ? Il y a des expérimentations actuellement pour le remboursement d'un certain type de thérapie. Donc c'est un premier pas vers la généralisation de ce type de stratégie. Mais encore faut-il qu'elle soit accessible, que les psychologues soient formés, qu'elle soit prescrite de façon précise, qu'elle soit proposée de façon précoce au début de l'évolution de la maladie. Et que il y a un parcours de soins dans lequel l'ensemble de ces trois piliers thérapeutiques qui sont absolument recommandés pour chaque patient soit respecté, avec la prise en charge avec le bon médicament au bon moment, la bonne psychothérapie qui peut changer au cours du temps, et puis la prise en charge somatique et les règles d'hygiène de vie qui nécessitent qu'il y ait un lien dans le cadre du parcours de soins entre le psychiatre, entre les psychologues, entre les infirmières et le médecin généraliste. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème avec une spécificité très française qui est le manque d'encadrement public, de cadre public autour de l'exercice de la psychanalyse. On sait qu'aujourd'hui, c'est une tentative qui est en train d'être mise en place pour mieux encadrer, mais pendant très longtemps, il y a eu une confusion entre le métier de psychiatre et les psychanalystes libéraux qui ouvraient sans forcément avoir une formation très encadrée par l'État. Marion Le Boyer. Alors, je pense qu'il y a des problèmes de dénomination et de mots qui font que le domaine est extrêmement complexe pour les usagers et que c'est un dédale d'arriver à se retrouver entre psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psychologue. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort d'information dont on parlait tout à l'heure, qui contribue aussi à la déstigmatisation, qui contribue à l'information des usagers pour savoir qui il faut aller voir et qui nécessite que, là aussi, il y a un encadrement. On définisse de manière précise, et c'est ça le rôle des centres experts, d'arriver à proposer une stratégie thérapeutique ou des stratégies thérapeutique personnalisée pour chaque patient et qui permettent aussi que ces stratégies thérapeutiques soient proposées parce que l'inégalité territoriale est réduite. Et nous, on propose aussi que soient construits des parcours de soins avec un nouveau métier qui s'appelle les case managers, qui a un rôle extrêmement important pour les infirmiers pour pouvoir suivre l'organisation de ces soins, vérifier que les patients vont à leur consultation, que telle stratégie thérapeutique est faite ou pas, que le généraliste a été consulté, que le bilan somatique qui doit être fait soit fait. Et donc, il y a aussi un effort de coordination des acteurs qui est extrêmement important. Dans ce livre, Psychiatrie, l'état d'urgence, vous concluez par un certain nombre de propositions. Il y en a 25. On en a abordé un certain nombre au cours de cette heure. Peut-être un mot sur quelque chose qui est quand même aussi très, très ancré et qu'on a évoqué à plusieurs reprises, qui est cette question liée à la déstigmatisation. Est-ce que c'est un mal français ? Typiquement, cette stigmatisation des maladies psychiatriques, du milieu de la psychiatrie en règle générale, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs et comment faire pour lutter une fois de plus contre ces problèmes-là ? Alors, on la retrouve partout, tant qu'on ne fait pas l'effort qui a été fait dans les pays étrangers de faire des vraies campagnes d'information, d'expliquer les mots, d'expliquer les symptômes des maladies, d'expliquer leurs causes, de faire naître l'idée que c'est des maladies comme les autres qui peuvent se diagnostiquer, voire un jour être prévenues, être prises en charge correctement et avoir un bon pronostic. Or ça, c'est une information que vous ne trouverez pas, et on vient de parler du dédale et de l'absence de communication sur l'organisation du système de soins. Aujourd'hui, non seulement il n'y a pas cette information sur les pathologies, mais il n'y a pas non plus de cartographie qui permette aux usagers de Paris ou d'ailleurs de se reconnaître et de savoir comment avoir accès aux soins. Isabelle Durand-Zaleski. Mais parmi les pistes de recherche et les propositions, il y a quelque chose qui est aujourd'hui dans la loi, qui est la possibilité d'expérimenter sur des parcours de soins et d'expérimenter sur le fait de payer des actes qui aujourd'hui ne sont pas à la nomenclature, donc qui aujourd'hui ne sont pas remboursés. Par exemple Ce dont on parlait Marion Le Boyer tout à l'heure, autour de la... Alors, les gens qui coordonnent déjà les case managers, mais aussi tout ce qui va être les prises en charge de psychothérapie, tout ça peut être, sous réserve que ce soit bien présenté et de manière rigoureuse et évalué de manière rigoureuse, pourrait être soumis à l'assurance maladie pour faire l'objet d'expérimentation. La ministre Agnès Buzyn a annoncé via le plan Ma Santé 2022 la création d'un fonds d'innovation en psychiatrie de 10 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle un peu timide, on va dire. Nous, on aimerait que ça soit beaucoup, beaucoup plus ambitieux. C'est une bonne chose, mais on a besoin d'un effort qui soit beaucoup plus conséquent. Et on a vraiment besoin d'un effort de coordination et pas de mesures adossées les unes aux autres, mais qu'il y ait réellement un institut digne de ce nom, qui soit éventuellement transministériel et qui soit chargé de piloter, de coordonner et d'évaluer. Parce qu'on voit bien que la capacité d'évaluer un dispositif, une thérapeutique, est extrêmement importante pour que le décideur puisse puisse ou non décider d'étendre une expérimentation. Un grand opérateur national au même titre que vous évoquiez tout à l'heure, hein, au même titre que celui qui a été créé, l'Institut national du cancer. Peut-être aussi un mot sur la crise de la formation que vous abordez. La psychiatrie, c'est une spécialité en médecine qui est de moins en moins choisie, qui est de moins en moins enseignée, avec un personnel qui est là aussi vieillissant. Alors, il faut développer des innovations, il faut développer des nouveaux métiers. Par exemple, on a beaucoup de mal à ce que les infirmiers prennent des postes en psychiatrie. C'est aussi pour ça qu'il y a une crise et que les hôpitaux sont très... Enfin, que les moyens manquent. C'est parce que ces postes sont vacants. On a tout le temps des postes vacants. Et donc, il faut arriver à recréer une spécificité des métiers d'infirmiers en psychiatrie et leur proposer toute une série de métiers qui sont, par exemple, on vient de parler des case managers, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment on traduirait en français case manager, Marianne Le Boyer, des coordinateurs de parcours. Exactement. Bah, merci beaucoup. Formidable. Ah, donc c'est exactement ça. Et ça, c'est des rôles qui intéressent énormément les infirmiers, qui leur donnent un rôle d'évaluation de la symptomatologie chez les patients qui sont à domicile, d'intervention très rapide, de coordination des soins pour vérifier que la prise en charge est adaptée et qu'elle est correctement faite. Et ça, c'est vraiment des métiers et des innovations porteurs d'espoir pour les patients. Isabelle Durand-Zaleski, au rang des propositions, une dernière pour conclure peut-être? Tout ce qui va être dans le sens de rémunérer de manière moins systématique et moins formatée les actes réalisés tant en ville qu'à l'hôpital. C'est-à-dire que, là encore, on n'a pas le temps d'en parler, mais la manière de payer les hôpitaux et les médecins aujourd'hui ne tient pas compte de la sévérité et du temps passé. Et la plupart des pays étrangers ont adopté des modes de tarification qui permettent de rémunérer les médecins de manière plus attractive et les hôpitaux. Toutes ces propositions pour sortir de cet état d'urgence de la psychiatrie sont à retrouver dans le livre Psychiatrie, l'état d'urgence, bien nommé évidemment, co-dirigé par Marion Le Boyer, Pierre-Michel Lorcas, édition Fayard. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ces problèmes et de ce malaise dans la psychiatrie française. Merci Isabelle Durand-Zaleski, merci Marion Le Boyer. Un mot pour vous dire que, je vous en parle aujourd'hui, c'est d'habitude le mercredi, mais c'est le jour de la semaine où vous retrouvez les idées claires, donc ce petit programme que vous pouvez retrouver en podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, où on détricote une idée reçue, une idée complotiste, quelque chose de l'ordre de la désinformation. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous proposer une explication scientifique et rationnelle au phénomène des ovnis. Et oui, et ça n'a rien à voir avec la psychiatrie cette fois-ci. C'est tout à fait étudié de façon très sérieuse par une agence du CNES. Vous pouvez retrouver ça donc sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Anthony Thomasson à la technique aujourd'hui. Demain, c'est un vendredi fiction. Mois de l'imaginaire oblige, nous vous parlerons d'une nouvelle collection qui fait le lien entre la science et la science-fiction. C'est la collection Parallax, dirigé par le camarade Roland Lehoucq. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.